Sois pas fâché, je vous en prie. Je ne voulais pas te faire de la peine. Mais non, ma biche, je ne fais rien. C'est pas un crime que de sourire à d'autres yeux. Mais ça dépend qui c'est, hein. Il n'est pas mal, je te l'accorde. Oui, mais quand même. Écoutez, écoutez. C'est toi que j'aime et je te trouve encore bien mieux, oui, beaucoup mieux. Je sais. Sois pas fâché quand ton malheur on se chamaille. Alors là, c'est normal. Sait-on jamais jusqu'où ça peut vous entraîner. Quand t'es fâché, j'ai toujours peur que tu t'en ailles. Allons, voyons, dépêche-toi de me pardonner. Dépêche-toi de me pardonner.